s'en foutait, et il squattait, et il squattait. Lolo, la mer est finie, et je savais qu'un jour les rats bouffraient sa vie. Squat, squat. Je savais.